Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Alors, Scheherazade dit à sa sœur d'écouter. Puis, adressant la parole au sultan Shahriar, elle commence de la sorte. « Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. » Nous voici embarqués sur un fleuve d'histoire et de merveilles, les Mille et Une Nuits, narré avec une grande habileté par Scheherazade, un prénom que tous connaissent. Serait-ce le cas, sans la première édition de ses contes arabes publiés par Antoine Galland en 1704 ? D'une famille modeste, Antoine Galland fréquente le collège et en sort féru de latin, de grec et d'hébreu, ce qui n'assure pas de gagner sa vie. Il est bibliothécaire, prospecteur de manuscrits anciens et de médailles pour de riches amateurs. Puis, il accompagne une ambassade à Istanbul et ajoute à sa connaissance de l'arabe celle du turc et du persan. Galland apprécie les sociétés du Proche-Orient, qui ont alors peu à envier en termes de développement économique et culturel à l'Europe. Il essaie de faire connaître leurs mœurs au public français en publiant par exemple un livre intitulé « De l'origine et de l'histoire du café ». Témoin de la vogue des contes de Perrault ou de Madame d'Aulnoy, il s'adresse lui aussi au grand public en traduisant des contes arabes à partir d'un manuscrit, les Mille et Une Nuits, qui ne seront imprimés en langue arabe qu'en 1835, bien après la traduction de Galland. Il y ajoute des histoires d'origine indienne, comme celle de Sindbad le marin, et développe des contes nouveaux à partir de canevas fournis par un moine maronite d'Alep. Énorme succès. Traduction dans toute l'Europe. Imitation, édition clandestine. Pendant plus d'un siècle, Galland sera admiré et son œuvre fera rêver. C'est qu'il a veillé à adapter ses contes à son public. Une langue simple et claire, typique du XVIIIe siècle, la suppression de passages trop érotiques, quelques ajouts pour éclairer le lecteur sur certaines coutumes ou détails, des dialogues vivants et directs. Il fait tout pour donner du plaisir à ses lecteurs. La morale n'en est pas toujours très claire, mais si essentielle. À cette vogue succédera au XIXe siècle l'opprobre, une traduction trop peu fidèle, un texte châtré, bref, une trahison. Le docteur Mardrus réinjectera de l'érotisme et des fleurs rhétoriques. Enfin, André Michel et Jamal Eddin Bencher ont donné à la Pléiade au XXe siècle la version scientifique que notre époque exige. Car aujourd'hui, une traduction doit d'abord être fidèle au texte, dans ses intentions, son style et sa lettre, sans omettre ni ajouter. Galland est un de nos meilleurs prosateurs. Il ne se contente pas de traduire, il adapte. Et ainsi, il introduit son lecteur à une autre culture. Ce grand écrivain se double d'un excellent passeur. Il suffit de comparer la vie grouillante des personnages variés des nuits à celle plutôt abstraite des lettres persanes de Montesquieu pour voir qui a su faire revivre la société orientale. Curieusement, Galland n'est toujours vu que comme un simple traducteur, comme si le caractère anonyme des contes arabes, probablement de plusieurs mains, et pour une part issu de traductions indiennes via la Perse, empêchait de reconnaître qu'il a donné vie à une œuvre majeure de l'imaginaire universel. Les lettres persanes ne sont qu'un exemple de la vague orientale qui toucha l'Europe littéraire, mais aussi musicale. Voyez à l'opéra L'enlèvement au sérail de Mozart, et au théâtre, Voltaire avec son conte philosophique Zadig ou sa tragédie Mahomet. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. Les Mille et Une Nuits, un modèle de traduction, un livre qui fait toujours fantasmer. Merci, Monsieur Galland.